boire, on doit boire. Tellement je ne peux y croire. On est déçu par cette vie. Alors on rêve et on s'enivre. Il fait noir, nous voulons nous asseoir sur nos jambes qui crient du plaisir qui nous fait revivre. À l'amitié, trinquons puisqu'il est l'heure. Je veux l'intimité d'un verre rempli de fleurs. À l'amitié, trinquons puisqu'il est l'heure. Je veux l'intimité d'un verre rempli de fleurs. Une main qui découvre des seins, se promène dans les étoiles, incandescente qui me voile. Parfois un vide s'installe et cette pluie ennuyante clame de ne plus voir cette toile de la vie qui nous remet à sa place. Je suis fatigué de tout ça. À l'amitié, trinquons puisqu'il est l'heure. Je veux l'intimité d'un verre rempli de fleurs. À l'amitié, trinquons puisqu'il est l'heure. Je veux l'intimité d'un verre rempli de fleurs. Fleurs, fleurs, fleurs, fleurs, fleurs, fleurs. D'un verre rempli de fleurs.